Ouais, je vous recommande. Oui, et pour madame là, qui donc tout est sur Facebook, et l'idée c'est qu'il y a aussi, on peut proposer des interventions. Si vous ou d'autres gens ont envie de venir parler de les sujets, c'est totalement libre. Hein, donc peut y avoir des. Tout à l'heure, il y a quelqu'un qui vient parler du langage des sourds et muets. Il y a des gens qui sont venus parler de l'eau comme bien commun. Des gens qui sont venus parler de démocratie participative, de prostitution, de boxe. Enfin voilà, c'est très ouvert. Donc sur les migrants aussi. Enfin, n'hésitez pas à venir, même à dire autour de vous que les gens peuvent venir. Faire des interventions, ça dure 20 minutes et après il y a 40 minutes d'échange avec les gens qui sont là. Voilà. On insiste sur le fait que voilà, on n'a pas besoin d'être hyper spécialiste dans un domaine pour venir parler ici. Ce qui est important, on part du principe qu'on a tous quelque chose à apporter ici, quel que soit notre domaine de compétence ou. Et même si on parle, voilà, on a du mal à parler, on n'est pas à l'aise, mais c'est super pour nous que vous veniez nous voir à la fin si ça vous intéresse. Et voilà, on a toujours besoin d'intervention et faut passer le cap, quoi. C'est... Et de passer le message autour de vous. Et passer le message autour de vous. Alors du coup, là, on va passer à l'intervention suivante, plutôt au créneau suivant, qui n'est pas justement une intervention. Qui est quelque chose qu'on a mis en place maintenant, comme on est là depuis 3 mois, il y a déjà 1 mois et demi, je dirais, qui est la boîte à questions. Alors, je vous explique un petit peu le principe. En fait, n'importe qui peut venir déposer une question de façon anonyme sur un thème qui vous... Alors, ça peut être une question très courte, une question plus longue, ça peut être une affirmation mise en interrogation derrière, enfin, voilà, tous les sujets sur lesquels vous avez envie qu'il y ait un débat. Et en fait, ce qu'on fait, c'est qu'à chaque fois, on prévoit un créneau ou 2 créneaux par semaine sur lesquels, tous ensemble, on essaie de répondre à ces questions. Donc, on n'invite pas un expert ou une experte pour y répondre. Et jusqu'à maintenant, notre expérience là-dessus a été très intéressante parce que, avec l'avis de chacun, par rapport à la question qui est posée, on avance énormément et on finit finalement par, pas forcément répondre à la question, mais en tout cas la faire évoluer et la faire changer de forme. Donc, du coup... Là, on a déjà plusieurs questions qu'on va donc débattre ensemble. Ce que je vous propose, c'est que bon, je vais faire piocher à quelqu'un une question. On commence à la traiter. Bon, bah si on voit que on n'a pas plus que ça des idées dessus ou autre, on passe à une autre question. Et puis à chaque fois, en fait, il n'y a pas de temps imparti pour chaque question. On voit jusqu'à quel moment on a envie de passer à la suivante. Ok? Allez, première question. Alors, debout sur violence, police, interdiction, info. Interdiction. Oui. Donc je pense que... Oui, la question pose sur la violence de la police plus l'interdiction des informations. Je pense que c'est ça. Des informations qui ne sont pas diffusées sur... Sur les violences. Ok. Est-ce que quelqu'un veut commencer à dire quelque chose par rapport à ça? Peut-être de notre expérience d'hier aussi. Il y a un truc qui est intéressant qui s'est passé récemment à propos de l'œuvre de street art qui a été censurée. Hein? Ah oui. À propos de l'œuvre de street art, je ne sais plus dans quelle ville, avec 2 CRS en train de taper sur Marianne avec son drapeau. Et je trouve que ça montre bien, quand on parle de Charlie Hebdo, liberté d'expression en France, et que d'un coup, quand ça touche l'État, bah là, c'est plus la même histoire. Donc je pense que c'est un peu lié à ça aussi. L'information, la violence, elle est toujours un peu dirigée dans le même sens, quoi. Oui, certainement que la question rebondit aussi beaucoup sur tout ce qui s'est passé lors des manifestations. Où à chaque fois que les médias parlaient d'une manifestation, c'est parce qu'il y a eu une violence, c'est parce que il y a des casseurs, c'est parce que il y a des gens qui viennent juste pour casser, alors que bon, quand on est dans les manifestations, on n'a pas forcément la même expérience. Et voilà, la médiatisation, ce qui nous vient de l'extérieur, et d'ailleurs je pense que vous avez tous eu l'occasion de dire à quelqu'un « Ah, j'étais à la manif », et quelqu'un vous a répondu « Ah, mais il y avait que des casseurs ». Enfin, j'imagine que vous avez dû, du coup, expliquer que non, c'était pas ça, qu'il y avait tout un historique de la violence. Et, Alors d'ailleurs, je ne sais pas si vous étiez à la manif d'hier. Et ce qui a été à la fois... Ben, Alors, c'est intéressant ce que tu dis, parce que tu dis, c'était triste, et en même temps, à la fin, on a discuté à quelques-uns, on s'est dit, mais en fait, c'est une manif normale. C'est-à-dire, on n'a pas pris de gaz lacrymo, on n'avait pas besoin d'être protégé, il n'y a pas eu de combat, donc finalement, une manif, ça devrait être ça. Mais... Moi, j'ai pas eu cette sensation-là parce que je trouve que, en général, les manifestations, c'est un moment aussi, malgré toutes les violences, où c'est quand même un moment où on échange, on s'amuse. Et là, j'ai trouvé que j'avais l'impression d'être entrée dans un sas rapidement, et puis d'être repartie. Et il y avait des flics partout, des fusils, des camions à eau, enfin. Toutes les rues barrées, il n'y avait aucun magasin d'ouvert, aucun bar ouvert. J'ai trouvé ça super triste, quoi. Moi, c'était mon ressenti. C'est vrai qu'une manif, c'est pas censé être lié à la violence. Mais quelque part, j'ai l'impression que... Enfin, je sais pas, dans toutes les manifs que j'ai faites, il y a toujours un peu de violence parce qu'il y a de la colère. C'est pas non plus... Enfin, je sais pas. Alors n'hésitez pas vraiment tous à prendre la parole parce que là on est sur un débat collectif. Hein. Je suis debout parce que je vais passer le micro en fait. Hein. C'est pas pour parler plus. Bon, non mais la question de la violence, à mon sens, elle est extrêmement compliquée. Moi, par exemple, je n'ai jamais été une très grande manifestante avant de m'engager un peu dans le mouvement Nuit Debout. Et c'est vrai que j'ai malgré moi été confrontée à la violence depuis deux, trois manifestations, à la violence policière. Et bon, c'est très compliqué puisque hier, par exemple, donc je ne sais pas qui était à l'Assemblée nationale hier, on s'est quand même fait nasser pendant 6 heures. Impossibilité de sortir du pont devant l'Assemblée nationale, on était à peu près 200, je dirais 250. On était bloqués en fait, on s'est fait bloquer pendant 6 heures par les CRS et impossibilité de sortir. Et on pouvait rentrer, mais une fois qu'on était rentré, en fait, le principe de la NAS, c'est qu'on peut plus sortir, une fois qu'on rentre dans le cordon de CRS en fait. Et après, moi ce qui m'a beaucoup choqué, c'est qu'à la fin, ils nous faisaient partir par petits groupes. Et en fait, on a été escorté depuis le fronton de l'Assemblée nationale jusqu'au métro Concorde, encadré par à peu près 50 CRS. Donc on devait être une vingtaine, ils faisaient sortir par groupe de 20. On était encadré par une vingtaine de CRS et ils nous accompagnaient dans le métro. Et ils nous faisaient prendre le métro. Moi, le fait de se faire enfermer dans des trains, ça m'a rappelé des choses franchement désagréables. Je me suis permise de leur rappeler, ça leur a pas plu. Mais en tout cas, j'ai été extrêmement choquée de ça et je pense que beaucoup de gens comme moi qui n'ont pas l'habitude des violences policières ont du mal aussi à maîtriser leurs propres émotions dans ces cas-là. Alors je sais pas si le fait d'être une fille, c'est pas pour faire du sexisme de bas étage, il n'y a pas d'ailleurs de sexisme de haut étage. Enfin bon, on pourra en débattre une autre fois. Mais en tout cas, peut-être que quand on est une fille, on vit les choses aussi différemment, je pense, malgré tout, parce qu'on n'a pas d'armes... Voilà, moi j'étais à côté de 15 mecs armés, c'est pas facile de se défendre dans ces cas-là. Et c'est pour ça que ça m'intéresserait aussi d'avoir l'avis des filles qui sont ici, voir savoir comment elles vivent la violence dans ces manifestations-là, parce que je pense que malgré tout, quand on est une femme ou un homme, on le vit différemment. Et bon, voilà, c'était très dur de garder son calme, et c'était très dur de leur répondre, et de savoir comment argumenter face à eux, si possibilité d'argumentation il y a, mais... Bah ensuite la violence, mais déjà l'État par lui-même il est violent, on le voit bien, hein, ça. Oui, il est déjà violent, déjà lorsque des patrons mettent des personnes au chômage, c'est une violence déjà, c'est une sorte de violence. Après on critique parce qu'ils veulent pas travailler, mais moi je dis déjà la violence, c'est déjà l'État qui l'a produit. Et je dirais même que c'est l'État qui fout la merde entre nous, n'ayons pas peur de le dire. Parce que sans ces lois-là, eh ben personne n'est violent. Quand on nous embête pas, eh ben, il est normal qu'il y ait une riposte, et à ce moment-là, bon, bah, c'est les coups de matraque sur la gueule et tout ce qu'on veut, quoi. Et je crois qu'hier, il y a eu des personnes Vous savez, quand ils vont dans les manifestations étrangères, regardez ce qui se passe. Il y en a eu sur la manif d'hier. Des personnes qui viennent et qui observent ce qui se passe. Parce que nous, on aime bien. Hein, l'habitude des Français, c'est qu'on aime bien aller voir ce qui se passe ailleurs. Les flics qui tapent sur les autres. Là, on n'a pas peur de les faire montrer à la télé. Mais ceux qui tapent sur la classe ouvrière, on évite de les faire montrer. Et après, on va dire, les flics, ils sont... Non, c'est eux qui agacent les manifestants. Ben, à un moment donné, ils ne parlent. Et après, on dit, c'est toujours les manifestants qui provoquent. Non, ce sont les flics qui provoquent. Voilà, c'est le truc de la violence. Oui, moi je trouve que par rapport à la violence, enfin ce que tu disais, c'est que quand tu dis c'est dur d'argumenter, moi ce que je trouve violent aussi, c'est effectivement déjà l'allure qu'ils ont et la non-communication possible en fait. C'est-à-dire on parle, les gens ne répondent pas et du coup c'est très très énervant d'être face à des espèces de robots quoi. Alors que c'est pas des robots, c'est des mecs, des femmes, enfin c'est des humains à la base donc. Donc moi je trouve c'est très agaçant et je pense que ça crée de la colère en fait le fait de pas pouvoir échanger, discuter, ils ont des ordres. Mais ils sont même pas ils ont même pas le droit de dire nous on a des ordres, voilà les ordres. Non, ils ont pas le droit de prendre la parole quoi, il y en a oui, mais enfin quand ils parlent c'est souvent violent, enfin je veux dire c'est rarement Quoi? Oui. L'éducation populaire, ça veut rien dire? Ah, ça, c'est un autre sujet. Là, le sujet, c'est violence policière. J'ai été éduqué bien comme il faut. Ah, tant mieux pour toi. Ça ouais. Ça, on fera un autre truc sur l'éducation populaire. Je crois que c'est au programme. Je trouve que ça c'est violent aussi et je pense que ça accentue le... Enfin, c'est vrai que j'ai le sentiment de mettre des CRS partout, c'est ça aussi qui pousse à des conflits, enfin à des situations conflictuelles quoi. C'est... Je veux dire, on imagine ici, rien que là, on est en train de discuter, si on était entouré par des Robocop ça serait pas du tout la même ambiance quoi. Et forcément, il y aurait des conflits, c'est sûr, c'est évident. Après, pour moi, c'est surtout une technique de déconcentration, quoi. C'est-à-dire que on parle de leurs ordres, mais justement, en ce moment, ils en reçoivent très peu, et sur la NAS, ils en avaient aucun, en fait. Donc, les gendarmes et les CRS, ils se sont embrouillés entre eux. À la fin, c'était délirant. Et l'idée, en fait, c'est que, nous, on se batte avec les flics, et les flics avec nous, et que personne ne pense au gouvernant derrière, au préfet qui donne les ordres, à Valls qui donne les ordres au préfet. Donc, c'est juste une manière de nous faire perdre notre temps et notre énergie entre nous. Sachant que les flics sont des frises de prolétaires, c'est pas forcément. On voit bien la tactique derrière, quoi. Ça me fait penser un peu à 1800, à une autre époque. Et donc après, la grande différence, c'est que les forces de l'ordre, elles sont de plus en plus fonctionnalisées. Et c'est de plus en plus institutionnalisé. On a l'éducation de masse maintenant, donc c'est pas du tout pareil que au moment des révolutions où elles pouvaient se retourner à tout moment. C'est des Robocop, ils sont pas seulement idiots, ils sont conditionnés à penser les ordres comme ça, à ne pas réagir, etc. Voilà. Pour revenir sur la question de la violence, moi ce que je suis d'accord avec ce que tu dis, il y a un conditionnement qui est indéniable, mais on peut pas nier non plus. Je sais que faire une généralité c'est compliqué, mais moi quand même j'ai l'impression que ces CRS-là, les CRS en particulier, sont des personnes quand même violentes dans le fond. Moi, à chaque fois que je parle avec eux, quand je les vois rire, quand une fille, hier par exemple, il y a une fille qui a tenté de passer sur le côté, au-dessus de la scène, dans le vide, il y a un CRS qui l'a chopé, et pour l'empêcher de passer, mais on avait l'impression qu'il préférait presque qu'elle se casse la gueule plutôt qu'elle sorte de la manifestation. Et donc moi, j'ai quand même l'impression qu'il y a une violence... qu'ils ont à la base une violence, en plus du conditionnement. En même temps, ça, pour moi, ça rentre aussi dans le conditionnement, parce que c'est la nature de leur fonction, en fait. Personne leur en veut, vraiment, au niveau de l'État, s'ils se mettent à brutaliser des gens comme ça, parce que, même si c'est un peu des abus, au niveau de l'État, ils doivent compter sur ces abus, ils doivent compter sur notre peur qu'ils fassent plus qu'ils soient autorisés de faire. Ils ont besoin de ces excès. C'est pour ça qu'ils s'en tirent toujours quand il y a des excès. C'est parce que finalement, ça les arrange pas mal qu'on puisse avoir peur du coup de matraque un petit peu exagéré, quoi. En fait, je voulais savoir parce que moi, c'est la première fois que je viens ici. Et moi, la chose à laquelle je pense automatiquement, c'est que et dont beaucoup de personnes m'ont parlé aussi parce qu'ils l'ont vu et ils le savent, c'est qu'il y a beaucoup de casseurs qui font partie des flics et que c'est eux qui engrainent, qui provoquent en se faisant passer pour des casseurs. Au niveau historique, les archives confirment toujours. Au niveau historique, les archives confirment toujours qu'il y avait bien des agitateurs qui étaient payés par la police ou eux-mêmes policiers. Par exemple, en 1849, toute l'extrême gauche se fait arrêter parce qu'elle a pris l'Assemblée nationale poussée par un indicateur de la police. Ça s'appelle la loi Jus Hubert. Ouais, c'est une technique. Mais. Et dans tous les domaines, quoi. Enfin, ouais. Non, mais c'est tout. Je voulais juste. Et oui, et ma question, c'était quand il y a eu. Il y a eu des problèmes ici, quand il y a eu. Je sais plus, il y a eu de la violence à un moment. Après, je sais plus quand c'était, mais je voulais savoir ce que vous en pensiez. Comment ça s'était passé. Ben, je sais plus, bon, on a entendu que ça faisait déjà un bon moment, tout se passait bien, et un jour, on a entendu, voilà, il y a eu des casseurs, ou il y a eu de l'embrouille, il y a eu de la violence avec les CRS. Je sais plus ce qui s'est passé, justement, je voulais savoir. Ben oui, il y a eu plusieurs épisodes. Non, en fait, au tout début, les gens étaient là nuit et jour. Mais ça a pas duré longtemps, parce qu'il y a eu un soir où... Moi, j'étais pas là le soir, hein, donc je redis ce que j'ai entendu. Il y a eu un soir où il y a eu de la casse, et donc du coup, dans la nuit, ils ont enlevé tout ce qui était sur la place, ils ont chassé tout le monde, et ils ont refusé à ce que les gens restent au-delà de minuit. Donc, ce qui s'est passé au-delà de minuit, 2 heures, enfin, j'ai plus qu'à été l'autorisation à ce bloc-là. Et donc, du coup, ce qui se passait, c'est que tous les soirs, il y avait la même scène. Ah, on l'a vécu une fois, c'était assez étrange. On était là tranquillement posés, enfin en train de discuter, et bon, en plus on rigolait, enfin on n'était pas du tout dans. Et tout d'un coup, on voit derrière nous des CRS tous en ligne qui nous dirigent vers le métro. Donc ça c'était tous les soirs. Bon, ce jour-là, ça n'a pas du tout été violent, on a plus été surpris, on a suivi, ne comprenant pas trop, enfin c'est le couvre-feu quoi. Et mais il y a eu d'autres fois où ça s'est pas bien passé, parce que bah retour de manif par exemple, ou bon après. Il y a par rapport aux autorisations, enfin c'est vraiment très étrange parce que nous en fait à Debout Éducation Populaire, on est toujours venu plus tôt que les autorisations. On arrivait vers 14h, les autorisations c'est à partir de 16h. Et très franchement, du coup une fois ça posait problème, une autre fois ça posait pas forcément problème, donc on savait pas si du coup c'était en lien avec ce qui se passait la veille ou si c'était en lien avec les ordres qui étaient donnés ou pas. Et voilà, par rapport à ça, on savait pas trop. Mais. Après, ça a pas mal changé après la manif du 18, justement, la manif policière sur la place. En tout cas, nous, à Debout Éducation Populaire, depuis, on n'a jamais eu de soucis pour s'installer. Alors, je sais pas si le message autour de Nuit Debout a été différent après ça. Bon, c'est vrai qu'en plus, il y a eu la voiture de police qui a été brûlée, donc ça a vraiment ravivé les tensions énormément. Donc, est-ce qu'après, il y a eu une volonté de pacifier de façon générale? Je ne sais pas, mais en tout cas, depuis ce jour-là, c'est vrai qu'on n'a jamais eu de soucis pour s'installer sur la place. Juste un complément, n'oubliez pas qu'il y avait à une certaine époque un problème d'alcool. Et donc maintenant, vous avez le droit de rester jusqu'à 10h du soir, elle me disait le soir, c'est ça? 10h? Minuit. Eh ben, voilà, moi je peux pas m'empêcher de penser parce que je sais que ça fait partie des stratégies. Enfin, si tu veux casser un mouvement, bah tu crées des problèmes et après tu peux limiter, comme les manifestations hier, le parcours, enfin les parcours super petits, tu peux pas t'intégrer si t'arrives pas au début de la manifestation, tu peux plus t'y insérer. Ça veut dire 16h, 17h, tu peux, elle est déjà finie la manifestation. Enfin, c'est vraiment des méthodes pour casser des mouvements qui prennent de l'ampleur, quoi. Enfin, bref. Voilà. Et ça, c'est de la violence. Moi, je participe pas trop aux manifs, mais j'en ai fait quelques-unes. Je participe pas trop aux manifs, mais j'en ai fait quelques-unes et j'ai l'impression que les manifestants qui sont violents, c'est vraiment lié au fait, comme tu disais, que au bout d'un moment, quand on n'est pas entendu, on n'en peut plus et on sait plus quoi faire et du coup on devient violent parce que on sait pas comment poser les questions, comment demander les choses et du côté de la police, la violence, c'est vraiment. Ouais, justement, est-ce que vous avez envie d'en discuter? Je sais pas, est-ce que vous êtes capable de dire quelque chose? Franchement. En fait, le principe, là, c'est une boîte à questions, et en fait, les gens ont mis des questions dans une boîte, et on ouvre la question, et on y répond collectivement tous ensemble. Donc la question, c'était sur les violences policières, et comme vous êtes là, et qu'on en discute, si vous voulez vous exprimer. Bon, après, on imagine bien que vous n'avez pas forcément le droit de vous exprimer. Oui, voilà. Parlez dans le micro, madame. Je rappelle juste qu'un fonctionnaire, c'est d'ailleurs l'honneur d'un fonctionnaire de savoir désobéir aux ordres manifestement illégaux. Voilà. On peut considérer comme illégal de jeter des gaz lacrymogènes sur des enfants, par exemple. Oui, donc madame disait en tant que fonctionnaire, parce qu'elle-même est fonctionnaire, que les fonctionnaires avaient le droit de désobéir aux ordres quand on les considère illégaux. Voilà. Mais moi, je voulais rebondir sur ce que tu disais, Jérôme, parce que du coup, moi, c'est pareil, j'ai pas été au manif au début et j'avais aussi l'écoute médiatique sur. Il y a des casseurs qui foutent la merde dans les manifs. Voilà, c'est ce que j'avais entendu très souvent. Et en discutant vraiment avec les gens sur place, et aussi en voyant les chiffres des casseurs qui ont énormément augmenté. Alors c'est pas que tout d'un coup tout le monde s'est rendu compte qu'il était casseur dans son âme et il s'est dit ça y est, j'ai trouvé le truc de ma vie. Non, c'est que c'était des manifestants qui étaient d'abord pacifiques et qui, à force de demander des choses, de ne pas être entendus. Mais il y a rien de pire que d'être dans une demande et d'avoir en face rien qui se passe. Parce que au bout d'un moment, tu finis par taper sur le mur qui est en face de toi. Parce qu'il n'y a plus que ça. Enfin, c'est. Et quand on en arrive là, c'est là où ça devient vraiment dangereux. Et justement, moi j'ai l'impression que c'est un petit jeu vicieux quand même de l'État, dans le sens où il te pousse à la violence, tu deviens violent. Une fois que tu deviens violent, il te décrédibilise à la télé en disant regardez, ils savent pas ce qu'ils sont, ils sont violents. Et du coup, moi je pense qu'il y a peut-être moyen d'essayer de trouver des nouvelles solutions. Bon. Il y en a qui le font, qui font comme les ZAD ou les choses comme ça. C'est des mouvements pacifistes qui au final dérangent énormément l'État. Et là, c'est l'État qui est obligé de devenir violent avant les gens qui sont sur la ZAD pour les dégager. Et ces gens-là ne sont jamais violents. Du coup, je trouve que c'est une bonne solution. Après, c'est vrai qu'on peut pas empêcher les. Enfin, c'est difficile d'empêcher les manifestants de devenir violents quand déjà il y en a qui en ont envie de base. Pour se défouler, et ensuite ceux, comme tu dis, qui sont au début sont pacifistes, et après, au début ils sont pacifistes, et ils en viennent à avoir la haine des flics au point d'oublier carrément pourquoi ils sont dans la manifestation, et ça c'est vraiment, c'est compliqué à gérer, quoi. Je suis un vieux monsieur de 65 ans, mais je comprends ce qu'on pourrait dire des jeunes. Parce que honnêtement, même à 65 ans, ça m'emmerde de voir toute une série de personnes qui me regardent de manière être espionnée totalement par certaines personnes. Et si j'avais 25 ans, je serais violent. Je rappelle juste pour les personnes qui viennent d'arriver que là on est en train de répondre tous ensemble à une question qui a été posée de façon anonyme, qui est dans la boîte à questions, qui est je sais plus exactement comment c'était, mais enfin bon, violence policière et interdiction de transmettre de certaines informations par rapport à ces violences, en tout cas la transmission des informations. Donc voilà, on est en train de débattre sur cette question, donc n'hésitez pas vraiment à prendre la parole, là il y a aucun, on y répond tous à la même place. Ouais, du coup, tout à l'heure, je n'osais pas le dire parce qu'ils étaient là quand même, donc je me sentais... Là, c'est parce que c'était un... vous allez comprendre pourquoi. C'était pour raconter un peu ce qui s'est passé aussi hier. Tout à l'heure, on disait les CRS, c'est pas la même chose non plus que la police. Et enfin, c'est vraiment ce qu'on a vu aussi. Parce qu'au début, on était nassés par la police. Bon, déjà, certains avec leur casque, d'autres pas. Et on pouvait discuter avec eux, enfin, vraiment sans aucun problème. Et en fait, ce qui s'est passé pendant un moment au niveau de la NAS... c'est que les personnes pouvaient sortir, enfin non, au début, alors une NAS, c'est quand il y a tout un cordon de CRS ou de policiers autour de personnes et qu'on ne peut pas sortir. Donc c'est comme un filet avec des poissons dedans, absolument. Donc on peut chanter les sardines, par exemple, enfin il y a plein de chansons comme ça de NAS. Et le problème dans les NAS, c'est qu'on ne sait pas. Quand est-ce qu'on va pouvoir sortir? Et hier, ça a quand même duré 6 heures, voire plus. Donc de 17 heures jusqu'à 23 heures, quoi. Et ce qui s'est passé pendant un moment, c'est que les gens ont essayé pour sortir de passer sur le parapet du pont, donc avec le vide d'un côté. Et au début, c'était la police, c'était pas les CRS. Ils nous ont empêchés de passer par là. Ils ont dit, on va vous faire sortir en petit groupe. Bon. Et après, donc il y a eu un changement de... les CRS sont venus remplacer la police. Déjà, on a pu observer qu'ils ont dégagé la police, enfin très clairement. Ils sont arrivés en les poussant, et c'était même nous, on se disait, mais comment peut-on se faire traiter comme ça en tant que fonctionnaire, enfin par les uns par rapport aux autres. Et ce qui s'est passé, qui était assez incroyable à partir de ce moment-là, c'est qu'ils ne faisaient plus sortir personne, qu'ils étaient, eux, mais alors imperméables, hein, on pouvait pas du tout parler avec eux, et que par contre, ils ont laissé passer les gens qui passaient par les parapets. Enfin, par les trucs du pont. C'est-à-dire, pour pouvoir sortir de la NAS, il fallait se mettre en danger. Et là, ça, voilà, ça peut rappeler des scènes extrêmement violentes. Il faut passer par les fils barbelés pour pouvoir sortir d'un enclos, quoi. Enfin, il y avait vraiment des choses là dans la symbolique qui étaient encore pires. Et puis, ça voulait dire, voilà, ceux qui peuvent passer par là parce qu'ils n'ont pas le vertige, parce qu'ils n'ont pas trop peur, parce qu'ils n'ont pas de talons, parce qu'ils sont physiquement capables, parce qu'ils sont pas trop âgés, parce que... Enfin, déjà, ça crée une sélection et une division assez incroyable, et ça, je pense que techniquement, c'était absolument volontaire. Voilà, c'était un peu sur l'expérience. J'ai une question à vous poser. Vous qui les avez vus de près, êtes-vous certain que ces gens-là sont vraiment mandatés par la République ? Moi, je pose la question. Est-ce que vraiment, c'est des gens qui sont employés par notre gouvernement? Ah, par qui d'autre? Voilà la bonne question. Voilà la seule et la vraie question que vous devez tous vous poser. Par qui d'autre? Je parle des CRS, ou prétendu tel. Il faut savoir qu'en France, certaines personnes sont autorisées à aller faire des stages commando dans des armées étrangères, et ça ne gêne personne. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler, par exemple, un certain Gilad Shalit, qui était un soi-disant un soldat franco-israélien. Moi, je suis désolé, quand vous êtes soldat, vous êtes ou français ou d'un autre pays, mais vous pouvez pas être de deux pays à la fois. Donc moi, je pose la question, est-ce que ces gens-là sont vraiment des gens employés par la République? Le seul fait que vous ne puissiez pas leur parler, ça indique que, déjà, ils ont des choses à cacher, et de deux, ils ont peur de se trahir. Donc voilà, après, je vous laisse réfléchir à la question. Vous les avez côtoyés de près, moi personnellement ça m'intéresse pas. Je vais retourner dans ma province ce soir et je suis très bien là-bas. Mais posez-vous la question. Ah pardon. Hop. Oui, moi je veux dire que... Alors faut que je le mette plus près, c'est ça? Oui, voilà. Donc, je crois que les CRS, ils ont un devoir d'obéissance comme personne. Et malheureusement, ils sont obligés de... Ah ben oui. Oui, oui, non, mais c'est une réalité. Maintenant, quand on a besoin de bouffer et de se nourrir, on peut choisir des métiers, pas forcément par vocation. Et si on veut continuer de bouffer, voilà. Donc je ne les défends pas, évidemment, je ne les défends pas. Je dis que je ne les défends pas, mais malheureusement, c'est comme ça que ça se passe. Et je pense que chacun d'entre nous, il faut qu'on arrive aussi à les faire changer quand on a des relations privées avec des CRS ou des policiers ou des gardes mobiles ou des choses comme ça. Parce que c'est peut-être... Pardon ? Maintenant, ils ont parfois des ordres qui sont effectivement très, très paradoxaux. Voilà. Alors, je ne peux pas vous en dire plus, mais il y a des ordres qui viennent et ils obéissent. Voilà. Et parfois, vraiment... ce sont des employés d'État. Voilà, oui, ce sont bien des employés de l'État. De notre, du gouvernement, tout au moins. C'est, pas de l'État, parce que l'État, c'est nous, mais du gouvernement. Juste. Attendez, parce que. Monsieur. Parlez dans le micro, monsieur. Garantie qu'il ne serait pas deux fois. Non, mais attendez, ça veut dire quoi, CRS? Ça veut dire que vous avez un vaccin, etc., que vous êtes programmé pour frapper les gens? Ah si, c'est ce qu'il est en train de dire. Vous êtes programmé pour frapper les gens. Donc vous êtes un robot ou... Alors si on vous lâche un chien affamé, vous voulez quoi? Vous le laissez manger? Vous le tapez pas, vous le laissez manger. Voilà. Juste, s'il vous plaît, on passe le micro pour que chacun parle à son tour dans le micro. En fait, si... Excusez-moi, je veux juste poser une question à cette personne. En fait, si j'arrive à comprendre ce que tu veux dire, quand on est français, enfin quand on est né sur le sol français, qu'on a une culture française, une éducation à la française de tout le territoire, du coup, en fait, ce serait impossible d'effectuer son métier de CRS de cette manière-là. Moi... Ouais. Ben, en fait, oui, mais je pense qu'il y a des méthodes des méthodes d'entraînement au sein des CRS dès les années 90. Hein, il y a des documentaires visibles sur l'internet, et dès les années 90, il y a des méthodes d'entraînement où en fait ça joue plus sur défendre un pays, mais c'est défendre une fonction en fait. C'est pas défendre une nation, défendre des citoyens, défendre un territoire, c'est défendre une fonction en fait qu'ils ont. Et après aujourd'hui, on voit qu'il y a des policiers, il y a des témoignages anonymes de policiers où ils disent qu'ils ne comprennent plus les ordres qu'on leur donne parce qu'ils ne sont plus ils sont politiques en fait. Ils sont plus dans la défense de la personne, ils sont politiques. Ah mais après il y a des comme des gens disaient ici, il y a une différence entre policier et CRS. La différence c'est ça, le policier va peut-être se permettre justement de se dire non les gars, là je suis pas d'accord, ma mission de base de, sur quoi je me suis entraîné, sur quoi je dois servir n'est pas la mission qu'on va me donner pour les manifestations aujourd'hui, alors que le CRS au final lui est plus sur vraiment servir les ordres en fait. Et oui, mais je pense qu'il y a des CRS qui ne comprennent pas non plus les ordres, mais ils le font, et ils sont français, ils sont nés en France, ils ont une éducation à la française. J'ai une fois discuté avec un CRS qui m'a dit avoir une famille, tout à fait, une famille, une femme, deux enfants, un chien, une maison, et le mec vit à la française, il se fait ses pâtes carbonara tous les soirs, tu vois ce que je veux dire, mais il est français, et au final, si on lui dit de gazer à tel moment, parce que pour lui, il y a eu, enfin pour toute... pour tous les CRS, on leur dit il y a eu débordement donc vous devez gazer. Ils ne se posent pas la question une seule fois, savoir ah non mais comme je suis français je vais pas le faire. Ils le font, c'est les ordres, tu vois. On doit nasser, on doit gazer, on doit encercler. À ce moment-là, ils le font. Juste parce que tu parles des films, moi je me permets de vous conseiller un film sur la formation des CRS qui est, enfin faut le voir quoi. Il est disponible sur le collectif Sonde. Et ça dure à peu près une heure, et c'est vraiment un journaliste qui filme avec l'accord d'un lieutenant qui fait sur le collectif Sonde, et sur la formation des CRS. Et d'ailleurs, on apprend que pour être CRS, en fait, c'est eux qui choisissent. Une fois qu'ils sont dans la police, ceux qui ont les meilleures notes peuvent choisir d'être CRS. On n'est jamais CRS par défaut. On est CRS par choix. Donc ça va absolument avec ce que tu disais, je crois. Ou en effet, ceux qui sont CRS et ceux qui veulent être CRS. C'est juste une question. Y a-t-il des syndicats différents entre les CRS et les policiers? Vous m'écoutez? Syndicats différents, CRS et policiers, point d'interrogation. Syndicats différents, SRS ou policiers. Juste prenez le micro pour intervenir et n'hésitez pas vraiment monsieur si vous voulez parler pour que tout le monde vous écoute hein, n'hésitez pas à prendre le micro. Alors là il faudrait un spécialiste parce que la police a le droit d'avoir des syndicats, je sais pas si les CRS ont le droit d'avoir des syndicats. Toute la fonction publique n'a pas le droit d'avoir des syndicats, les militaires n'ont pas le droit d'avoir des syndicats. Donc c'est pas sûr que les CRS aient le droit. Moi, je ne suis pas français, mais je viens d'un pays africain qui s'appelle Mali. Je connais pas trop la France, mais dans mon pays, j'ai vécu sous la dictature des militaires. Moi, je pense que les CRS, c'est un peu comme les militaires aussi. Dans mon pays, on me disait que dans la hiérarchie militaire, quand on demande à un militaire d'aller arrêter son père par sa hiérarchie, il doit exécuter l'ordre de sa hiérarchie, même s'il ne comprend pas l'ordre-là. Et après avoir exécuté l'ordre, après, il peut venir demander l'explication à sa hiérarchie. Mais dès qu'on lui donne l'ordre, il doit exécuter tout de suite l'ordre de sa hiérarchie, même s'il ne comprenne pas. Même si c'est son père, il doit aller arrêter son père. Après, il vient, il demande à sa hiérarchie, « Chef, pourquoi vous m'avez envoyé d'aller arrêter mon père ?» Mais le moment où on lui donne l'ordre, il n'a pas le droit de poser de questions. Voilà, c'est ce que moi j'ai compris dans mon pays. Voilà. Juste je rappelle pour ceux qui viennent d'arriver, là on est en train de débattre tous ensemble sur violence policière et transmission des informations sur les violences en général. Pour revenir sur la question des CRS syndiqués, en fait le vice-président du syndicat Alliance, c'est un CRS, parce qu'ils font partie de la police nationale, donc ils peuvent être syndiqués. Est-ce que quelqu'un d'autre souhaite rebondir sur ce qui est traité? Oui. Bonjour, moi je viens de Montréal, je suis arrivé il y a quelques jours à peine. C'est la première fois que je participe à Nuit Debout. Il y a eu des tentatives à Montréal aussi d'en tenir, il y en a eu. Puis au Canada, les policiers, il y a la police nationale pour l'ensemble du pays. Et au Québec, on a la Sûreté du Québec et une police pour la ville de Montréal. Et la police pour le grand territoire, ceux qui ont les grands chapeaux, qui sont habillés en rouge, on les appelle la police montée, ont été créés à l'époque de la conquête de l'Ouest pour prendre les territoires des Autochtones et les mettre dedans des réserves. Donc c'était par essence un truc militaire qui évolue pour devenir quelque chose de paramilitaire. Et même au Québec, la Sûreté du Québec, qui sont habillés en vert, c'est la même chose, c'est paramilitaire. Ça a été formé, ça a été créé pour prendre les territoires des Autochtones, pour les mettre dans des réserves, brimer leur liberté, les encadrer. Et donc, par essence, c'est militaire et paramilitaire, selon moi, la police, et pour la police moderne, en tout cas. Ça n'a pas toujours été le cas. En Angleterre, il me semble qu'il y avait un policier, un agent de la paix qui était désigné parce que la population a confiance en lui, mais avec les grèves populaires, les occupations qui étaient récurrentes, c'était l'armée qui était envoyée pour réprimer, souvent dans le sang, et puisque les grèves perduraient, et qu'aucune nation, si on regarde la Palestine ou l'Irlande, les nations qui acceptent une armée d'occupation sont assez peu nombreuses, ce qui fait que pour remplacer un peu l'envoi de l'armée pour réprimer les manifestations, parce qu'aujourd'hui c'est pas l'armée en soi qui nous réprime, c'est la police. Ben, la police a servi beaucoup à ça, à permettre une espèce d'occupation à la place de l'armée pour que ce soit plus facile pour eux de maintenir l'ordre. Donc par essence, c'est hiérarchique, c'est militaire ou paramilitaire. Et en effet, les policiers doivent obéir aux ordres, sinon ils dérogent de leur fonction première qui est d'obéir à la hiérarchie et de maintenir l'ordre. Puis sur cet ordre-là, quand on regarde le Parlement et tout, on a très peu de pouvoir sur ce qui nous entoure, sur nos moyens d'existence, sur notre travail. On dit qu'on vit en démocratie, mais on passe un tiers de notre vie au travail. Et c'est bien un milieu qui est antidémocratique, où on doit obéir au patron pour un salaire qui est très arbitraire, parce que le travail de chacun est possible par le travail social de toute la société. Un travail qui a déjà été fait par le passé et le travail social est nécessaire pour que chacun puisse travailler. Et donc, la manière dont le travail est évalué aujourd'hui, le salariat, c'est extrêmement arbitraire, parce que comment juger de la valeur du temps mis dans le travail d'un individu, si ce n'est que pour satisfaire des intérêts divergents du patronat, qui sont de faire le plus d'argent possible sur notre dos. Puis, je connais des gens qui sont très heureux d'être payés trois fois leur salaire quand ils travaillent de nuit ou des jours fériés. Mais tout ce que ça montre, c'est que même s'ils sont payés trois fois plus cher que d'habitude, leur patron peut quand même faire du profit sur leur dos. Alors, ça montre quand même que sur le travail, c'est très arbitraire et c'est pas ce qu'il y a de mieux pour les travailleurs-travailleuses de toute évidence, mais bien pour satisfaire les patronats qui ont un poids énorme dans le Parlement avec le MEDEF ici. Et c'est le Parlement qui a un énorme pouvoir sur les policiers, qui maintiennent tout ça en place. Donc nous, en tant que citoyens, on a très peu de pouvoir sur le Parlement, sur les lois qui nous entourent, et les policiers servent à maintenir ce peu de pouvoir qu'on a, j'ai l'impression aussi. Donc voilà, c'est ce que j'avais à dire. Est-ce que tu connais un documentaire sur qui s'appelle Dérive, justement? Si je vous le conseille, si vous voulez regarder, c'est un documentaire sur les dérives policières durant plusieurs manifestations québécoises, où au niveau de... Ce que j'ai bien aimé, en fait, c'est qu'au niveau des personnes interviewées, il y a vraiment plusieurs personnes, et même justement les infirmières et des pompiers qui voulaient venir dans les manifestations, qui ont été appelés parce qu'il y a eu des personnes blessées et qui ont été bloquées par des cortèges de police, en fait. Et ce qui est génial, c'est quoi, il y a les interviews des pompiers et des infirmières, il y a des interviews par exemple de mères de famille qui eux parlaient de leur vision comment se passaient les manifestations dans les années 70, 80, 90, qui parlaient avec les policiers, que généralement ils étaient même là pour encadrer, mais justement de manière bienveillante, et que là, quand ils regardent comment ça se passe pour leurs fils, pour leurs enfants, ça se passe, ils comprennent pas justement changement, quoi. Et c'est vrai que ce documentaire, il y a plein de points de vue, justement, il y a plein de personnes retrouvées, donc dérive, en fait. Sur internet, dérive, 1h10, quoi, à peu près, voilà. Et c'est intéressant ce que tu dis, parce que si on regarde BFM ou je ne sais quelle chaîne de télé comme ça, ils nous font passer le message que c'est les manifestants qui deviennent de plus en plus violents. Et dans ces médias-là, ils se demandent pas, et la police, est-ce que elle, sa violence a évolué, est-ce que ça a évolué ou comment ça fonctionne maintenant par rapport à avant, quoi. Moi, je me demandais si dans les CRS, en fait, il y avait des femmes, parce que il y a un peu le côté un peu violence masculine qui est en arrière-fond, quoi, le côté le coup de bâton, quoi. Donc, je me posais la question, en fait, s'il y avait des CRS femmes ou pas, quoi. Voilà. Non. Alors, flic ou CRS, c'est pas la même chose. Je crois bien si il y a des femmes CRS. Et bon, vous savez que en France, vous avez des endroits où maintenant la police monte et surveille comme dans les bois ou dans les parcs des fois. Maintenant, ils ont des chevaux, hein. Ils le font en cheval. Il y a cheval, puis il y a vélo. Mais sur les manifestations, non. Jamais. Mais on ne sait jamais, hein, par la suite. Voilà. Non, je fais passer le micro. N'hésitez pas, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut intervenir? Je rappelle rapidement, on parle des violences policières. Alors, oui, à propos des femmes CRS, je ne sais pas, mais je peux vous assurer qu'il y a des femmes parmi les gendarmes mobiles. Et quand on est aux manifestations, les gens qui nous empêchent de passer, ce ne sont pas tous des CRS. Il y a aussi les gendarmes mobiles. Voilà. Et autrefois, entre eux, je crois que les CRS s'appelaient les scarabées et les gardes mobiles, les mouches bleues, pour la petite histoire. Quelqu'un veut prendre la parole ? Moi j'ai vécu la première fois où je me suis fait nasser et puis gazer. Ça a été une manif sauvage nocturne où en fait on essayait de libérer les derniers camarades, on va dire ça comme ça, les derniers camarades qui étaient dans les 130 interpellations qu'il y a eu lors d'une manif. Et il y a eu à Maubert Mutualité, au commissariat de Maubert Mutualité, il restait une vingtaine de personnes. Du coup, il y a eu une manifestation sauvage qui est partie de République. Et au final, il y a aucune femme. Quand on se fait nasser, gazer, quand on se fait encercler, que ça dure des plombes et des plombes et des heures, il y a aucune femme en fait dans le service. La seule femme qu'il y a eu, c'était une des policières du commissariat. Et curieusement, c'était avec elle qu'on essayait de négocier à 4h du matin, quand on s'est fait gazer, qu'on a fait nager à 150, à peu près, au milieu du gaz. On a fait nager une assemblée générale. Qui veut partir, qui veut rester, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc on a tous pris la décision, hein, la majorité a demandé à partir et de rejoindre République, il était quand même 4h du matin. Et on négociait ça avec donc la policière. La flic qui n'était pas CRS et les CRS attendaient les ordres de la policière qui elle-même je pense attendait les ordres de dessus en fait. Donc ça a été la seule présence féminine du cortège. Donc c'est elles sont attribuées à d'autres rôles, elles sont attribuées à d'autres fonctions et ça a été ma seule expérience de femme avec la police quoi. C'était pour des négociations. Voilà. Moi, à l'occupation de l'Odéon, en fait, il y avait des CRS, on était nassés, pareil, et il y avait 4 femmes CRS, et elles étaient pas moins violentes que les hommes. Et elles avaient l'air de prendre plus, même plaisir, elles avaient un sourire un peu sadique derrière leur casque. Donc voilà, il y a des femmes CRS aussi. Quelqu'un veut prendre la parole ? Oui, effectivement, il y a des femmes CRS et je crois qu'il faut pas confondre quelque chose, c'est-à-dire qu'il faut pas faire l'erreur, c'est le métier, le travail qui fait les comportements et pas le genre ou le sexe. Est-ce que quelqu'un d'autre souhaite rebondir sur ce thème-là ou est-ce qu'on passe à une autre question ? Il y a un documentaire qui est réalisé en 97 avec le fameux lieutenant maçon. Alors le lieutenant maçon, c'est le genre de personne quand il apprend au CRS, donc volontaire hein, pour devenir CRS dans la formation, c'est le genre de type pendant le gazage, hein, parce qu'on apprend à se faire gazer quand t'es CRS, il mange une pomme et il les traite de fiottes. Il fait valoir les petites fiottes, moi je mange ma pomme et vous toussez. Alors voilà, c'est un formidable aperçu de comment on peut se faire parler par sa hiérarchie en fait. Vous tapez vraiment documentaire CRS 1997, lieutenant maçon, c'est très intéressant. Est-ce qu'il y a des gens qui n'ont pas parlé? On invite ceux qui n'ont pas encore parlé à prendre le micro, voilà, n'ayez pas peur. Si vous avez envie d'intervenir, je rappelle sur les violences policières, si vous avez des choses à nous dire, vous êtes les bienvenus. Ou est-ce qu'on passe à une autre question? Donc est-ce que vous voulez qu'on vote ou pas? Je sais pas, est-ce que... Ça vous dit qu'on change, qu'on passe à une autre question alors? Si vous pouvez faire ça pour montrer que vous êtes d'accord ou pas, ok. Il me faudrait une main innocente. Bon, allez, vas-y. Je serai pas là pour entendre la réponse. Je sais que voilà vache. J'arrive. Impossible de lire là. illisible. Pourquoi le résultat sur l'illettrisme est de 20% en France? Merci, ok, démerde-toi. Alors, pourquoi est-ce que le résultat sur l'illettrisme, c'est ça, est-il de 20% en France? Donc, est-ce que ce sujet vous chauffe déjà ou pas? L'illettrisme, est-ce que ça vous parle ou pas? Oui, plutôt oui ou plutôt non? Bon. Peut-être préciser, vous m'entendez là ou pas? Peut-être préciser que l'illettrisme, c'est très différent de l'analphabétisme et du coup que sa mesure peut être extrêmement controversée. Dans quelle mesure on comprend ce qu'on lit? Si je suis pas spécialiste de philosophie, pour un philosophe, je suis quelque part illettré. Donc ces chiffres sont toujours à mettre entre guillemets, ça dépend de qui a fait les mesures. Je crois qu'il y a des tests où vraiment c'est la rapidité de lecture et que les tests sont très très élevés. C'est-à-dire que on lit pas tous au même rythme et on peut être considéré selon ces mesures comme illettré alors que on l'est pas nécessairement relativement à d'autres lecteurs. Voilà. Quelqu'un veut intervenir sur ce sujet ou pas? En tout cas, merci de votre précision, parce qu'en effet, en entendant le chiffre, on se dit... Moi, je pensais illettrisme, analphabète. Et je me disais, non, c'est pas possible. Enfin, pas 20% en France, ça me semblait absolument impossible. Mais du coup, est-ce que vous savez, mais si vous savez pas, comment est-ce qu'ils peuvent mesurer l'illettrisme, du coup, pour dire 20%, par exemple Je sais plus exactement parce que ça date de quand je faisais mes études, donc ça ne me rajeunit pas. Mais il y a les tests, des questionnaires de compréhension, des tests de rapidité. Et autrefois, c'était mesuré quand les hommes passaient leur service militaire essentiellement. Et c'est là qu'on avait les chiffres. Aujourd'hui, j'imagine que c'est avec les tests de scolarité. Ça, je connais pas. Donc je peux pas vous dire à l'heure actuelle comment est-ce que c'est mesuré. Oui, après moi je m'y connais pas bien du tout là-dessus, mais c'est vrai que je constate qu'il y a quand même beaucoup. Enfin, moi je vois l'école où sont mes enfants, il y a beaucoup de familles qui maîtrisent pas du tout bien la lecture et que c'est extrêmement handicapant pour elles et qu'aujourd'hui j'ai l'impression que c'est de plus en plus handicapant parce que même pour des métiers manuels où a priori on n'est pas censé maîtriser la lecture très bien, etc. Enfin, notamment, je pensais à une maman de l'école qui voulait travailler et qui voulait faire des ménages dans des entreprises. Et en fait, elle pouvait pas faire ce métier-là parce qu'en fait, elle ne maîtriserait pas bien la lecture et qu'on est censé lire les consignes qui sont transmises à ces personnes-là et qu'elle était complètement bloquée par le fait de pas maîtriser bien... de pas bien maîtriser la lecture de la langue française, mais même de toute lecture, elle savait pas bien lire du tout, quoi. Après, c'est vrai que c'est délicat de parce que déjà le 20%, on sait pas d'où il sort, et puis ce genre de sondage, c'est jamais très fiable. Donc, je pense que pour répondre à cette question, c'est un peu compliqué là. Oui, par contre, je pense que ce qu'on peut dire, c'est qu'on est dans une société qui produit de plus en plus d'écrits. Donc, avant, il y avait des corps de métier où c'était pas stigmatisant de pas maîtriser la lecture, en réalité. Et notre société, aujourd'hui, porte un regard très stigmatisant sur les gens qui ne maîtrisent pas. Donc, en réalité, je pense que c'est comparativement à la masse d'écrits à laquelle on est confronté. Et puis, je me permets de rappeler aussi qu'en plus, quand on lit sur un ordinateur, c'est des compétences de lecteur qui sont différentes. Donc on a développé des compétences de lecteur très variées, très complexes, et que du coup c'est cette masse-là d'écrits qui va stigmatiser les gens. En réalité, on pourrait considérer que pour certains métiers, la lecture n'est pas absolument pas indispensable. Seulement, elle va l'être aujourd'hui pour l'entretien d'embauche, pour faire les papiers, etc., etc. Par ailleurs, il y a des associations qui aident les gens illettrés à monter en compétences. Mais comment, qu'en est-il des subventions? On peut aussi se poser la question de qu'est-ce qu'on fait justement pour ne pas exclure les personnes qui n'ont pas les compétences standards pour faire face au monde d'aujourd'hui, quoi. Je connais pas le sujet, si ce n'est que effectivement l'illettrisme augmente pas mal quand même, et que pour répondre à ta question, si tu es salarié, tu as droit au DIF, donc le droit individuel à la formation, donc les droits qu'on a, il faut les utiliser, et que on peut l'utiliser pour la lutte contre l'illettrisme, le droit individuel à la formation. Alors je sais pas qui est intéressé par ces questions, mais c'est une piste intéressante, sachant que là les patrons, ils refusent pas trop ce genre de choses, au contraire. Donc c'est le droit individuel à la formation, et il y a des organismes agréés pour ça, hein, qui font ça, voilà. Et que l'illettrisme, c'est aussi des gens qui étaient à l'école, qui sont sortis tôt, et qui au fur et à mesure des années, oublient, hein. C'est pas forcément ne jamais avoir su lire ou écrire, mais qu'on oublie beaucoup, etc. Bon, voilà les seules choses que je connais sur ce sujet. Alors moi je rebondis, parce que sur le DIF ne s'adresse plus qu'aux fonctionnaires. Non, c'est le, je sais pas comment ça s'appelle, CFP, c'est ça, CPF, CFP, je sais pas exactement. Et maintenant, le DIF dont tu parles, il a été totalement sorti de son besoin. Et c'est pas parce que tu vas demander à DIF qui va t'être accordé, il faut que ça serve à l'entreprise. Voilà. Moi, je suis fonctionnaire, ça fait 4 ans qu'on me refuse des formations au cadre du DIF, parce qu'on veut bien. On veut bien me décompter de mon DIF les formations qui sont obligatoires pour mon adaptation au poste, ce que je refuse évidemment, mais les formations DIF que je demande pour me former moi, pour progresser, pour aller faire autre chose, on me les refuse. Ça a toujours été le cas, c'est sûr, mais n'empêche, je connais quand même, il n'y a plus le DIF, c'est l'équivalent, maintenant il y a un équivalent, c'est que pour l'illettrisme et tout, quand même, je connais des endroits où les directions acceptent assez facilement ça, parce qu'ils n'ont pas envie d'avoir des employés illettrés, alors c'est peut-être dans les grandes boîtes, mais ça marche quand même. Alors effectivement, ça s'appelle plus DIF, ça s'appelle truc individuel, je sais pas quoi, alors, enfin bon, voilà. Bon, donc si vous êtes concerné, faut pas hésiter, parce que et puis de toute façon, ça a toujours été à la libre appréciation du patron, hein, de savoir s'il te l'accorde, hein, donc là, ça c'est pas nouveau. Encore faut-il avoir un travail. Quelqu'un d'autre veut s'exprimer sur la question de l'illettrisme ou non? Personne? On fait une nouvelle question? Tiens, attends. Qui veut piocher? Allez. Une jeune fille. Et si vous voulez mettre des questions dans la boîte à questions, hein, vous pouvez, hein, c'est parce que là, elle est presque vide. Donc après, il faut mettre des questions pour la re-remplir pour la fois suivante. Oh là là. Peut-on parler de métaphysique sérieusement? Peut-on parler de métaphysique sérieusement? Ça inspire quelqu'un? Peut-on parler de métaphysique sérieusement? Moi... Je sais pas. Quelqu'un veut un truc à dire là-dessus? Non? Je me lance. Mais je me lance avec déjà une interprétation. C'est-à-dire, il me semble que la métaphysique s'appuie sur une sorte de nature. Enfin, que du coup, elle considère qu'il y a quelque chose qui fonctionnerait de façon naturelle, qu'elle pose comme principe universel. Et donc... je sais pas si c'est tout à fait dans l'ordre de la question, parce que c'est parler de métaphysique sérieusement. Il me semble qu'on a toujours parlé de métaphysique que sérieusement. Mais moi, la question que je poserais, pour rebondir, c'est peut-on encore parler de métaphysique comme d'une nature universelle avec mon interprétation, quoi. Mais alors, c'est intéressant parce que quand on dit peut-on encore parler de métaphysique. C'est vrai qu'aujourd'hui, dans les sociétés modernes, en fait, on peut plus parler de métaphysique quasiment, parce qu'elles se sont construites sur ce qu'on appelle le positivisme, d'Auguste Comte notamment, qui a rejeté complètement la métaphysique, qui disait, en fait, la métaphysique relève des questions de l'ordre du pourquoi. Pourquoi est-ce qu'il y a le monde? Pourquoi est-ce qu'on est là? Et donc, c'est des questions, en fait, quasiment insolubles. Et Auguste Comte disait, il faut évacuer toutes ces questions-là qui ne servent à rien et se concentrer sur les questions du comment. Comment ça marche, la science, etc. Et donc, c'est une question intéressante. L'origine de la métaphysique, c'est Aristote qui a inventé ce concept. En fait, Aristote classait tous les savoirs. Et quand il est arrivé à la fin, après la physique, il a mis la métaphysique. Et en fait, c'est ce qui est pour revenir à Platon, la métaphysique, c'est l'inventeur de la métaphysique, c'est Platon, qui distinguait le monde sensible, donc le monde matériel, la matière, du monde intelligible, le monde des idées. Donc la métaphysique, c'est la religion, c'est la philosophie, c'est tout ce qui relève du pourquoi. Voilà. Ça marche ? Ouais, c'est pour me dire que j'ai du shit en pot, de la bavante, si ça vous intéresse. Et la question de la métaphysique, c'est des trucs. Oui, moi j'ai du shit en pot, de la bavante, de la galette en pot. Le message est passé. Ok, bon. Voilà. Quelqu'un d'autre a envie de s'exprimer sur la métaphysique ou... Non. Du coup, je veux bien rebondir sur ce que vous avez dit parce que, en fait, je viens de comprendre la question de base avec ce que vous avez dit, parce que vous avez parlé de la science et en effet, là actuellement, on entend que la science ce serait sérieux et tout ce qui serait de l'ordre de la métaphysique ou même de la religion ou de toute autre question du pourquoi, ce serait pas sérieux parce que ce serait de la croyance. Or, ce qu'on oublie quand même, c'est que déjà, la science, ça se base sur une certaine idéologie, sur une certaine représentation du monde, que dans de nombreux peuples, pour eux, la science, ça n'a aucun sens. Et donc, du coup, la métaphysique, ça pose aussi la question du sens. Et alors, peut-on parler de la métaphysique sérieusement ? Je dirais scientifiquement, non. Mais sérieusement, oui. Et même, peut-on se passer de la métaphysique, c'est-à-dire d'avoir un sens dans le monde dans lequel on vit. Et le sens, on l'a avec le pourquoi. C'est pas la science qui donne un sens au monde. Donc, voilà ce que... Je sais pas si vous voulez rebondir là-dessus. C'est très juste ce que vous dites. Ça me fait penser à la phrase de Heidegger qui disait « La science ne pense pas ». Voilà, donc c'est exactement ce que vous dites en fait. En fait, elle parlait de plusieurs peuples auxquels la science n'a aucun sens. Mon avis, c'est pour moi dans le sens où quand tu regardes des anciennes religions en fait, ou même actuelles, hein, moi je trouve il y a une science dans la religion. Mais tu sais, tu regardes des religions antiques en fait, la Grèce antique ou l'Égypte, ou tu regardes au niveau des civilisations mayas et aztèques en Amérique du Sud. Et en fait, je trouve leur science, elle est basée, elle est dans la religion en fait. C'est pas quelque chose qui va systématiquement soit s'opposer, vouloir démontrer qu'il y a du tort ou de la raison, sachant qu'en plus dans cette espèce de science là, il y a eu des faits tout à fait inexacts, qu'on traînait de siècle en siècle et de siècle en siècle. Et je pense qu'enfin aujourd'hui, on est abouti sur des siècles d'erreurs sur certaines réalités justement dites scientifiques en fait. Voilà. Ce que tu dis en fait, c'est super juste parce que Descartes en fait, il a créé ce qu'il appelle l'arbre de la connaissance, où il met les mathématiques, la physique, etc. Et il dit les racines de l'arbre de la connaissance, c'est la métaphysique. En fait, tout part de la métaphysique. Et il dit aujourd'hui justement, il y a une sorte de parricide des scientifiques qui rejettent la métaphysique et qui oublient en fait que les racines de la connaissance, c'est la métaphysique. Et pour revenir à Auguste Comte, lui, il a une vision un peu évolutionniste de l'histoire, où pour lui, il y a l'âge religieux dans un premier temps, où on vivait dans la croyance. Ensuite, il y a l'âge métaphysique, avec les Grecs et la philosophie. Et ensuite, il y a l'âge positif, avec la société moderne. Donc pour lui, la métaphysique, c'est une sorte d'enfance de l'humanité, qu'il faut absolument pas... Enfin, c'est une forme de régression, quoi. Donc c'est vrai qu'il y a une sorte d'ostracisation dans la société moderne de la métaphysique, et c'est bien dommage. Parce que pour les Grecs, dans l'agora, la métaphysique, c'est ce qui permet aux gens justement de discuter. Parce que dans la métaphysique, il n'y a pas de spécialiste. voyez, là on peut s'interroger sur un pourquoi et tout le monde pourra donner son avis. Tu vois? Et donc ça permet de le dialogue entre les citoyens, l'usage du langage, etc. Et ça c'est très riche pour donner du sens. Alors qu'en science, à proprement parler, là on peut pas faire ça. Soit on est spécialiste, soit on se tait. Encore merci parce que vous venez d'utiliser un autre mot qui est le mot art. Et du coup, pour reprendre la question, ne peut-on être sérieux que scientifique? Parce qu'en effet, si on fait de l'art, on n'est pas sérieux, quoi. Enfin, non, si on fait de l'art, on n'est pas scientifique. Mais est-ce que ça veut dire qu'on n'est pas sérieux? Il y a une espèce de confusion pour moi actuelle entre être sérieux, être rationnel, être scientifique. Alors que la science, c'est juste une façon de penser. C'est pas, on peut être sérieux de plein d'autres façons qu'en étant scientifique. Mais voilà, on le voit même dans la pub, enfin, scientifiquement prouvé, bah, ça veut dire que c'est bon, on a le graal de la connaissance, là, il y a quelque chose. Et du coup, ce que tu disais aussi sur ce problème, enfin, voilà, il y a la question du pourquoi. Et en même temps, le fait qu'avec la science, ça efface toutes les possibilités de confronter, en fait, ces représentations qu'on a du monde, fait que c'est comme si ces questions-là n'avaient pas à être débattues. Enfin, n'avaient pas à être débattues. Et donc, du coup, on est chaque fois confronté à l'autre comme étant radicalement différent, quoi. Enfin, et sans la possibilité de se comprendre, de réfléchir à, tiens, ah bon, toi, tu perçois les choses comme ça, moi, de cette façon-là. Et comment ça se fait? D'où est-ce que ça vient? Alors que, voilà, comme tu le disais aussi, avec la science, c'est non, le monde fonctionne comme ça. On vous l'a prouvé. Donc, vous le prenez comme ça. Par contre, si ça, pour vous, c'est bien ou si c'est pas bien, ça... Et en même temps, donc je vais contredire ce que je viens de dire, très franchement, on ne peut pas dire que la science, ou en tout cas son utilisation, soit non idéologique, qu'elle ne s'appuie pas sur un certain sens, sur une certaine vision du bien et du mal, sur ce qu'il faudrait faire, ce qu'il ne faudrait pas faire. Et c'est cette tension-là qui est hyper dangereuse entre science et métaphysique, parce qu'elle n'est pas directement explicite, mais qu'elle est extrêmement présente. Enfin, je ne sais pas si ce que vous en pensez, mais... Quelqu'un veut s'exprimer là-dessus? Non, le sujet n'est pas facile. Mais... Non bon. Oui, alors on va passer à l'intervention d'après. Juste pour info, donc la boîte à questions est alimentée par vos questions. Donc s'il y en a qui veulent un petit papier pour mettre une question qui sera abordée dans les situations suivantes, n'hésitez pas, parce que s'il n'y a pas de questions dans la boîte à questions, du coup c'est nous qui sommes obligés d'en mettre, mais c'est pas très drôle si c'est toujours nous qui le faisons. Donc n'hésitez pas, tiens, mettez-le de manière bien lisible, il y en a d'autres qui...